Je vois que s'ouvrent les portes de la petite chapelle. Maintenant, voici qu'ils sortent éblouis de soleil. Quelle est belle, quelle est belle, dans sa robe de mariée. J'aurais tant voulu porter la même. Quelle est belle. Je m'en